Bon, et maintenant, de la même manière que nous avons vu conjointement les mots en ANT et ANCE, tels que important et importance, je voudrais maintenant conclure la transformation des adjectifs en ENT par quelques transformations de noms en ENCE qu'on prononce UNT en anglais. Alors, si différent se dit different, comment dira-t-on différence? Difference. Oui, c'est ça, difference. Là encore, comme pour different, on insiste à l'oral sur la première syllabe, difference. Alors, puisqu'on parle de différence, comment direz-vous « il y a une différence ici que je ne comprends pas » Alors, vous savez peut-être que « il y a » suivi d'un mot au singulier se traduit « there is » et sous sa forme contractée « there's ». Alors, reprenons le début de la phrase. « Il y a une différence ici. » There's a difference here. There's a difference here que je ne comprends pas. Dans une différence que je ne comprends pas, le mot que peut se traduire par that ou which ou par rien du tout. Vous avez le choix. Et pour dire je ne comprends pas, vous allez avoir besoin de do not qu'on abrège souvent en don't, suivi du verbe nu, c'est-à-dire le verbe sans to. Alors, reprenons la phrase en entier. Il y a une différence ici que je ne comprends pas. There's a difference here that I don't understand. There's a difference here that, ou which, I don't understand. Ou, si l'on choisit de ne pas traduire que, there's a difference here I don't understand. Comme vous pouvez le constater, l'anglais est parfois un peu paresseux et certains mots, comme that ou which, passent à la trappe. Et si au lieu de « je ne comprends pas », vous vouliez dire « il ou elle ne comprend pas », alors il faudra employer « does not » ou bien sa forme contractée « doesn't ». Donc, « il ne comprend pas » se dira « he doesn't understand ». « He doesn't understand ». Oui, alors, bien. Et comment dit-on « préférence » ? Preference. Preference, bien sûr. Et vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas à formuler une question au présent. Alors, il suffit d'employer « do ». « Do I »,« do you »,« do we »,« do they » ou « does ».« Does he »,« does she »,« does it ». Suivi du sujet, puis du verbe « nu », c'est-à-dire « sans to ». Alors, comment direz-vous « avez-vous une préférence » ? Do you have a preference? Do you have a preference? Oui, c'est ça. Et si espérer se dit to hope, H-O-P-E, hein, on retrouve là le H aspiré, hope. Alors comment direz-vous, j'espère que vous n'avez pas de préférence. Et en anglais, on dira que vous n'avez pas une préférence. I hope that you don't have a preference. I hope that you don't have a preference, oui. Et si vous avez omis le « that », c'est bien aussi. I hope you don't have a preference. Bien, alors, je viens de vous dire que pour formuler une question, il fallait employer « do » ou bien « does ». En fait, je n'ai pas tout dit. Avec « am »,« is »,« are » et « can »,« must » ou « will », on n'emploie pas « do » ou bien « does ». En fait, il suffit d'inverser l'ordre, exactement comme en français. Vous pouvez « you can ». Pouvez-vous ? Can you? Et de la même manière, il est là, is here. Et est-il là? Is he here? Is he here? Oui, c'est ça. Bien, je ferme la parenthèse. Et puisque vous semblez si à l'aise, prenons encore un ou deux exemples avec des mots en ence. Sachant que pour parler d'une grande ville, on emploie en anglais le mot city, C-I-T-Y, comment dira-t-on « la violence est un problème dans beaucoup de grandes villes » ? Mais comme on dit en anglais « watch out », c'est-à-dire « attention », littéralement « regardez dehors », dans le sens de « regardez bien, gardez bien les yeux ouverts », donc « attention »,« watch out », car quand on dit « la violence est un problème », on parle de la violence en général, n'est-ce pas ? Et donc dans ce cas, en anglais, on n'a pas besoin de « the ». Alors, La violence est un problème dans beaucoup de villes. Violence is a problem in a lot of cities. Violence is a problem in a lot of cities. Donc on dit violence tout court et non pas the violence, puisqu'il s'agit de la violence en général. Et le pluriel de city est bien cities. C-I-T-I-E-S, avec le son is.